Le ciel est noir par les passagers au 89 FM, c'est fou. Dans quelques instants, ce sera Marie-Laurence Audet et la chronique Le loisir bien plus qu'un jeu. Faites ensemble jusqu'à 9h30. Restez. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. C'est toujours à Assemblage requis en ce jeudi 8 janvier 2015. Je m'appelle Mathieu Plante, Stéphanie Paradis a congé aujourd'hui finalement. Laurent Constantin reste un peu. Je reste un peu. Merci Laurent, t'es tellement mon sauveteur. Je vois mon héros, mon chevalier sur cheval blanc. Ça me fait plaisir d'être ton chevalier, Mathieu. C'est vraiment fin d'être là. Il nous reste encore pas mal d'affaires à faire. Avant ça, par contre, je tenais à dire que j'ai dû laver mes lunettes parce que Caroline, je pense que j'ai broyé dedans tellement qu'il faisait frais dans ma tête. J'ai braillé dans mes lunettes. Parce qu'il faisait froid ou t'étais tout plein d'émotions? parce que c'est l'hiver, là, pis t'as du plaisir. Pis là, je me lançais des balles de neige à moi-même. Non, mais je pense que mes lampes étaient trop chaudes en sortant de mon corps. Ça fait de la buée dans mes lunettes. Colin. T'as pas de buée dans tes lunettes l'hiver. T'as ça quand tu rentres dans la maison après. T'sais. Un spa intérieur. C'est ça, c'est bizarre comment ça arrive. C'est l'hiver. Que voulez-vous? Sachez-le, moins 42. Qu'on appelle ça? Bingo. Thermomètre. Bingo. Bingo, c'est bien dit. On écoute une chanson. Après ça, on devrait avoir, si tout va bien, évidemment, on ne sait pas aujourd'hui, Marie-Laurence Audet. Et ça connaît que les loisirs bien plus qu'un jeu. Ça, les voitures, ils partent-tu ce matin? Ça dépend lesquelles. Hein? Donc, on va écouter une pièce qui s'appelle A Taste of Silver par Until the Ribbon Breaks. C'est ce qui a goûté mes larmes ce matin. Ça a goûté l'argent. Que je n'ai pas dans mes poches. Ah, sans l'âge requis. I just want.

bombe qui porte son nom, c'est laquelle? Je sais encore. En tout cas, on entend Franco. Ouais, c'est ça, Franco. Ah, c'est Machine Géante, l'effet veuve noir. Oui, l'effet veuve noir. C'est ça, qu'on l'a joué. Ah ouais. C'est parce qu'il y a qui écrit sur le CD, tu sais. Fait que des fois, c'est un petit peu. Ouais, c'est pratique quand il est dans le lecteur puis il joue. Moins pratique. Autour de la pause, les instructions d'assemblage. Et plus tard, on va manger avec une grosse pointe d'adresse avec un nouveau. Un petit nouveau concept. Je sais pas si c'est temporaire ou permanent, on va voir. Ça tombe bien, ça m'a ouvert l'appétit, moi, mon matin. Ton matin, elle a essayé de casser la glace sur ton auto. On en parlera au retour, voir. Fou d'excentricité. 89.1. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Vous êtes toujours à Assemblage requis ce jeudi 8 janvier 2015, c'est Stéphanie Paradis. Lui, c'est Mathieu Plante. On a toujours Laurent Constantin avec nous qui reste un peu. Bonjour. Ça va? Oui, ça va. Continue l'émission. OK. moi, je pense qu'on devrait tous essayer d'apprendre quelque chose. C'est une philosophie de vie, essayer de ne pas rester, ne pas stagner, ne pas s'asseoir sur tes lauriers en disant que tu sais déjà tout. Hey, hein? Tantôt, là. Chialer qu'on le dans mettons psycho oui. En anglais on prononce pas le p non et bien je t'annonce qu'en français on doit prononcer stagnant. Stagnant? Ouais, c'est pas stagnant, c'est pas comme le GN, non, c'est stagnant. C'est donc bien affreux. Comme des eaux stagnantes. C'est laid, ça, c'est dégueulasse. Stagnante, c'est pas beau. C'est très peu connu, je te dirais. Eh ben maintenant je sais. Wow, merci beaucoup. Je vais essayer de plus utiliser le mot à la place, tu vois, contourner le problème. Ben, je trouve pas ça beau. Fait que je vais dire un synonyme. Bref. Qui est? Qui bouge pas. Qui bouge pas. C'est ça. Contrairement à toi ce matin qui a beaucoup bougé, parlons-en. Avant la pause, on disait que t'avais eu des problèmes à t'en venir. Tu viens d'arriver à 8h05, mettons. Là. Ouais, c'est ça. Ben, ça a pas paru parce que j'ai pas parlé. Là. J'ai dégelé. Ça a eu l'air bizarre, ça a parlé pendant la chronique de Marie-Laurence. Allô? Ouais, c'est ça. Hey, t'es qui toi? Qu'est-ce que tu fais là? Ouais. Ben non, mais c'est parce qu'en fait, moi, c'est mon chum qui vient me porter à tous les matins. Ouais. Et là, il revient à l'intérieur et me dit ah, l'auto part pas. Je dis ben, ok, ben, essaye de partir la mienne, puis. Donne-toi, fais rah, tu sais, puis elle va se donner. Fait que mon auto a réussi à partir, mais le problème, c'est qu'on l'avait pas déglacé encore du verglas de dimanche. Ouais, ça fait longtemps, il y a eu le temps de prendre, vraiment. Ah, c'était horrible. Charmant. Comme on pourrait dire. Fait qu'on a vargé dedans pendant à peu près 45 minutes. Mais l'autre problème, c'est qu'une fois déglacé, c'est que nous autres, les stationnements, c'est un derrière l'autre. Quelle mauvaise idée, hein? Mais c'est fait de même, ça sauve de la place, tu sais. Puis, étant donné que c'est toujours l'auto à mon chum qu'on prend en premier, ben, c'était lui qui est en arrière. Donc, il a fallu pousser l'auto, sortir la mienne, repousser l'auto. C'est tellement agréable de pousser au froid. J'avais les mains gelées et collées contre l'auto, là. C'est sûrement plus facile à pousser d'un bord que de l'autre bord, l'auto, non? Non. Les deux côtés, c'est pareil. Tu vois comment je connais ça? Non, je te dirais que c'est plus facile de pousser quand il n'y a pas de mode de neige. Pas en avant. Ouais. Ouais, je te dirais que c'est pas mal. C'est quand même incroyable que ta voiture est partie, malgré que tu l'as pas utilisée depuis peut-être. Ben, elle est partie comme. Tu sais, c'est rien que c'est une gosse. Ah, okay. Non, elle est partie vraiment, ça a tout pris, là. Ouais, ok. Mais. Ben. Un peu plus récente aussi que celle de mon chum. J'avais dit des mots doux, là. Pis... Non. Le fouette, là. Ah ouais, okay. Ah ouais, ma cochonne part un matin. Mais voyez comment tu te donnes, Stéphanie, pour la dernière heure d'assemblage requis pour cette semaine. Oh, j'aurais pu rester chez nous. T'aurais pu. Pour j'étais une tellement heure, gelée. En tout cas. Mais merci d'être là pour nous et on arrive juste à temps pour vraiment apprendre des choses. C'est ce qu'on veut faire. Donc apprenons tous ensemble. Voici les instructions d'assemblage. Nous vous remercions d'avoir acheté le machin. La poursuite de ces instructions vous conduira à son assemblage. Étape 1. Prenez d'abord le bidule et l'insérez tout au fond du tige numéro 2. Retournez ensuite la tournevis numéro 24 contre vous. Prenez quelques vis numéro 77 et boulez-les ou charpente numéro 39. Serrez ardemment avec la clé numéro 17. Repliez le tige numéro 45A. Ouais, mais ça marche pas! C'est les instructions d'assemblage. On essaie de comprendre un petit peu comment mieux vivre. Donc, on se donne des instructions. C'est dans le titre. Commençons avec quelque chose d'assez simple pour ceux qui essaient de manger plus santé. Je sais pas si ça va marcher pour moi, là, mais on nous conseille de mettre la nourriture plus santé sur la tablette du milieu dans le réfrigérateur. Ah, okay. Donc, de tasser les collations sucrées, salées, peu importe, vos boissons gazeuses sur la tablette du bas et dans les tiroirs de votre réfrigérateur et de mettre vos fruits et légumes plus haut. Le premier regard dans le frigo peut vous aider à prendre de meilleures décisions, nous dit-on. Sais-tu aussi c'est quoi qui est un très bon truc pour manger plus santé? Pas en acheter des grignotines salées et sucrées. Aller en acheter quand vraiment t'as une rage et que tu décides « Ok, c'est maintenant que consciemment je me déplace pour manger ça. Ouais. » Tu vas l'acheter, ouais, ça finit ouais. là. Et les sacs de chips sont tout le temps à la hauteur des yeux. Hein. C'est vrai. Dans le frigo? Dans le frigo. Non, non, à l'épicerie, là. Mais oui, mais il y en a du plafond au plancher. Je veux dire, même les nains et les géants l'ont à hauteur des yeux. Tu vois, hein, un public captif. C'est ça, ils sont tous capturés. Par... Bon. Non, donc, ce serait une question de culpabilité. Apparemment que, bon, si t'as un petit sac de carottes, tu t'as mis du milieu et que tes affaires sont cachées, t'as le cœur et tout ça, ben, tu vas te sentir coupable et tu vas vouloir manger ces carottes-là parce que tu vas dire, ben, il me semble que j'aurais peut-être faire un effort, j'y vois. Tu sais, moi, ce qui m'arrive souvent, c'est que les affaires sont, bougent quand maintenant je prends quelque chose. Mais là, quand ça bouge, jette-les, c'est pas ça. Mais des fois, quand je remets des affaires dans le frigo, ben, ça pousse les autres affaires vers le fond du frigo. Et j'ai tendance à les oublier qui sont dans le fond du frigo parce que, Colin, ben, c'est sûr que je suis peut-être un petit peu plus grand, mais je vois pas dans le fond du réfrigérateur. Mais ça, je me penche. Faut que t'es classe. Faut que ben, mais je suis un gars ordonné faut dans le frigérateur. Faut pas que tu mettes ça direct sur le bord. Des squats devant ton frigo, tu fais l'exercice pendant que tu fouilles. Ouais. Des jumping jacks. Des jumping jacks. Non, ça allait peut-être vider les affaires qui sont plus bonnes, en effet, dans le frigo. Ça peut être une bonne idée, ça, c'est un autre conseil pour un autre jour, peut-être. Donc, ne cachez pas vos légumes dans un donjon à légumes comme dans les tiroirs du réfrigérateur. Mettez-les à la hauteur. Parce que c'est vrai que dans les tiroirs, on a tendance à pas les voir. Bref. De toute façon, les tiroirs, c'est pas assez grand. Pour tous les légumes que t'achètes? Non, c'est ça. Sûr, pour un melon d'eau, là, comme sur l'image, je sais pas. Non. Moi, les tiroirs, c'est assez pour les légumes que j'achète dans une année. C'est ça. Ensuite, prochain conseil, d'utiliser la phrase... ben, en fait, là, on nous dit en anglais, mais j'irais peut-être par... on remplace le « je ne peux pas » par « je ne le fais pas », genre... Si t'as un but en tête que t'essaies de compléter, les chercheurs disent que commencer ta phrase par « je ne le fais pas » sont plus efficaces que par « je ne peux pas le faire ». Dans une étude de 2012 publiée dans le Journal of Consumer Research, on a analysé, on a posé des questions à 120 étudiants, et à savoir s'ils étaient capables de résister à du chocolat. Ceux qui disaient « je ne peux pas manger de chocolat », choisissaient de manger la barre à 61%, alors que ceux qui disaient « je ne mange pas de chocolat », à 36%, choisissez de la manger, finalement. Donc, la recherche est basée sur le fait que le langage qu'on utilise pour décrire nos décisions va servir de mécanisme de feedback, si on veut, pour changer nos buts dans notre tête. Donc, allez-y avec une autre façon de le dire. Ou se flageller, tout simplement, je pense que c'est une solution. S'auto-gifler. Ouais. Clauk. Moi, je suis plus du genre à dire merci, mais tout dans ma bouche tout de suite. S'il te plaît, insère ça dans mon orifice buccal. Ensuite, de vous donner une petite liste de choses à acheter dans la cuisine, de choses que tu as besoin et non pas de choses que tu veux. Pour essayer de savoir quelles affaires tu as vraiment besoin d'acheter pour ta nouvelle cuisine, par exemple, chez Smitten Kitchen, on nous conseille d'avoir une liste de souhaits, si on veut, qu'on met à jour à chaque fois qu'on se trouve en train d'être frustré parce qu'on espère, on aurait aimé mieux avoir quelque chose dans la cuisine pour faire une recette, mais là, on l'a pas. C'est à ce moment-là, quand on en a besoin, qu'on va aller l'écrire sur la liste pour l'acheter la prochaine fois. À la place de faire, quand tu arrives dans un nouvel appartement, une nouvelle maison, tu vas te dire, bon ben, qu'est-ce que je vais acheter? À la place, tu vas au magasin, tu vas l'arranger, tu dis, hey, ça, j'aurais peut-être besoin de ça un jour, ça, j'aurais besoin de ça, ça, j'aurais besoin de ça. Un beau laminoir, là, pour faire des pâtes fraîches. Oui, mettons, et que tu t'en sers une fois dans ta vie, mettons. T'sais. Non? Mais moi, étant donné que j'ai déjà tout dans la cuisine, là, je suis rendu à l'étape de « oh ça, j'aimerais vraiment ça ». Oui. Donc, tu préfères une liste de choses que tu aimerais à la place de choses que tu as besoin. Moi, c'est ça. Je suivrais pas ce conseil. J'ai plus besoin de grand-chose. Là, je suis rendu à l'étape de « j'ai vraiment envie de m'acheter une pierre à pizza ». Ça vous dit-tu à quel point j'ai tout une en cuisine? Une pierre à pizza? C'est cool, ouais, ça, pour vrai. Malade, là. Ouais. Mais c'est parce que... Je ne sais pas, pierre à pizza. Non, quand tu préchauffes ton four, tu mets ta pierre à pizza dans le four, fait que là, elle est chaude. Mm-hmm. Fait qu'au lieu de cuire ta pizza sur une tôle à pizza, tu mets ça sur la pierre, ce qui fait une croûte beaucoup plus croustillante et dorée. Là, c'est la magie, là, c'est l'Italie. C'est vraiment cool. C'est il manque le Thermomix, là, comme ils ont au chef. Là, ben, j'ai pas 1 600 $. C'est ça. Ah, d'accord, bon. Mais sur ta liste de souhaits sur Amazon, peut-être que si quelqu'un veut te faire un don, allez sur la page Amazon. Thermomix. Thermomix. Donc, on dit d'utiliser un tableau à craie dans la cuisine. Et quand tu vois que tu en as vraiment besoin, si avec le temps, tu n'en as plus besoin, mais tu l'effaces. Donc, ne l'écrire que si vous en avez vraiment besoin. Ensuite, alors ça, j'adore ce conseil-là, Steph. J'empiète un petit peu sur ta chronique, Master Steph, une fois de temps en temps. Peut-être que tu en as déjà parlé. Pas de problème. C'est de faire congeler du bacon avec les tranches individuellement, avec du papier ciré pour éviter les déchets. Ou tout manger le même matin. Oui, c'est un bon point. Je sais pas pourquoi on dirait que j'ai faim, là. Ah, du bacon, hein? mais Ah, tu sais, c'est comme le dilemme entre est-ce qu'on gaspille du bacon ou on gaspille du papier ciré, là? Moi, je préfère tout manger le bacon en effet, comme c'était fait. Parce qu'ils ont tué un animal pour le papier ciré, je pense que ça vient de. Quoi? C'est un phoque, je pense, c'est fait avec du phoque, du papier ciré. Donc, je sais pas. C'est n'importe quoi. N'importe quoi. Donc, gaspiller du bacon, c'est pas une bonne affaire. Donc, quand vous achetez votre bacon en sac que vous mettez en congélateur, ben après ça, quand on déjà, il faut le faire au complet, c'est bien normal, vous le savez. Mm-hmm. Donc, The Kitchen, un truc facile. The Kitchen, c'est un blog là, pour emballer votre bacon. C'est tout simple. Vous avez besoin de papier ciré ou de papier parchemin. Vous allez donc devoir empiler vos tranches de bacon individuellement et tourner le papier ciré au-dessus en zigzag de chaque tranche. Ben, au lieu de faire un zigzag, tu peux juste mettre une feuille de papier, mettre des tranches, une autre feuille de papier. Te faire en format repas, si on veut. Donc, pour le dimanche matin, t'as besoin d'un certain nombre de tranches. Si tu fais ça sur le papier parchemin, t'emmènes autre. T'as juste à le couper, ça finit là. Juste à le couper. T'es pas obligé de sortir toutes les tranches, même si elles sont sur le même étage. Tout à fait. Donc, on jette ça dans un sac à congélateur. Donc, on met ça dans un sac freezer bag et on met ça dans le congélateur. Ou dans un food saver comme on a eu à Noël. Ah, t'as eu un food saver? Ah, c'est cool. L'affaire qui aspire l'air. Ah, c'est fort ça. Louis-José Mondou, tout en train d'en parler en bien. J'ai l'atroce, moi, Louis-José Mondou. Tellement. C'est tout pour ce petit conseil-là. Ensuite, ajoutez un élastique, un caoutchouc, un élastique en caoutchouc, peut-être un condom, attaché à votre poignée de porte d'un côté à l'autre de votre porte. Donc, sur le bord, tu as deux poignées après une porte. Hein? Donc, ton élastique va. Une de chaque bord, c'est pas la même porte qui se vire à chaque fois que tu. Non, étrangement, c'est pour ça que la poignée est tout le temps du même bord. Donc, l'élastique sur la poignée d'un bord et ensuite on va contourner jusqu'à l'autre côté pour l'autre bord de la poignée. Pourquoi faire ça? Ben, ouais, qu'est-ce que ça donne? Là, tu sais, je sais que je disais ça puis ça a l'air complètement incompréhensible. C'est quoi l'affaire? Tout le monde a des portes qui ont tendance à claquer fort, que ce soit à la maison ou au bureau. Donc, pour calmer ce bruit-là, un simple élastique, nous dit le site mashable.com. Donc, on attache l'élastique, comme je disais, des deux côtés de la poignée de porte, s'assurant que ça n'ait pas d'interférence avec, évidemment, le mécanisme de la porte. Donc, on va contourner avec l'élastique le truc qui rentre dans le trou dans le cadrage de porte. Là. Ça a un mot, un nom, j'imagine, cette histoire-là, mais bon. Donc, ça va faire que le caoutchouc va absorber le choc de la porte. N'importe quel élastique large va fonctionner. C'est un truc qu'on peut accomplir en quelques secondes. Évidemment, on pourrait aussi remplacer ça par des systèmes plus sophistiqués de ressorts. Peut-être un peu aussi moins laid, là. Parce que je veux dire, côté de déco, si tu fais ça chez vous, c'est moyen. T'as bien raison. T'as bien raison là-dedans. Mais au moins une solution temporaire jusqu'à temps que vous essayiez un système peut-être magnétique. En prendre des coloriers, là, puis ça fait plus. Oui, de la même couleur que ta peinture. Tu vas tremper ton élastique dans ta peinture. Je pense que ça va se défaire. S'écailler. Même qu'il y a déjà un élastique à long terme, ça fond, hein, puis ça pète. Oui, hey, crime. Je pense que ça sèche, hey, ça fond. Est-ce que vous avez Ben non, mais ça colle après l'objet. Fait que si ça fait juste sécher, ça... Est-ce que vous avez vu la vidéo sur YouTube passer, ça va sûrement être à vlog là, dans 6 mois, 1 an, quand il y a un gars qui prend une grosse boule d'élastique, ils ont vraiment fait une boule d'élastique il y a quelques années, il l'avait laissée dans un endroit, peu importe où, je pense que c'est dans une poubelle en tout cas, puis il arrive, puis il la coupe avec un couteau, puis ça s'ouvre, puis on dirait que c'est une bête vivante et gluante, genre on dirait que c'est un monstre, mais c'est vraiment une boule d'élastique qui a figé dans la poubelle après des années. C'est vraiment hot. Chercher genre sûrement boule rubber band, ouais c'est ça, trash can ou moving. Mais moi je me demande comment on part ça une boule d'élastique. Ouais, je sais pas. Bonne question. Excellente question. C'est ça, l'élastique original, d'où est-ce que je vais aller sur YouTube. Oh, to start rubber boule. C'est des nœuds, je crois. T'appelles Robert, hein, Robert. Bref, ensuite, d'ajouter... tiens, ça c'est quand même le fun comme truc dans votre réfrigérateur. On l'a déjà conseillé pour des armoires. De mettre, tu sais, les petits trucs en métal, c'est comme des tablettes que tu peux empiler en métal, c'est pour les armoires, ben de les mettre dans le réfrigérateur à la place pour peut-être mettre vos restants du soir, à la place d'avoir à mettre vos restants dans des Tupperware ou peu importe pour les transférer dans d'autres contenants, à la place, votre assiette pourrait servir elle-même, mais là, dans le frigidaire, ça prend beaucoup de place parce qu'une assiette, c'est large et c'est pas très haut. Donc, vous perdez beaucoup de superficie, beaucoup de pieds cubes dans votre réfrigérateur. Donc, mettez votre petit rack de métal dans le réfrigérateur pour empiler vos assiettes une par-dessus l'autre. Vous avez la place ici pour trois assiettes et même un gros bol, un gros casseau de fraises. Ça prend beaucoup moins de place. Bon, on dirait que je comprends pas comment il est fait son frigo parce que moi, j'ai pas cet espace-là en hauteur. Il a enlevé tous les tablettes, on dirait. Ben, je pense que c'est ça. Tu peux choisir où tu mets tes tablettes. Mais tu peux y aller avec le nombre d'étages que tu veux pour les tablettes de métal de toute façon. Donc, vas-y comme tu sens... en tâchant des tablettes plus ou moins hautes et en tassant des tablettes de réfrigérateur à un espace approprié pour ça. Donc c'est sur le site Unclutter qu'on retrouve ça, évidemment, pour mettre des assiettes sans avoir à écrapoutir le contenu en mettant d'autres affaires par-dessus, comme le pain ou peu importe, si vous mettez ça dans le frigidaire puis vous savez plus où le mettre. Là, des fois on l'empile sur des assiettes, sur des bols, c'est pas le fun. Ensuite, celui-là, j'aimerais qu'on me l'explique un petit peu plus, donc je vais lire avec vous l'article, mais on nous dit d'accrocher des affiches avec de la pâte à dents pour éviter les trous. Ouais. Ça m'a aussi perturbé. Donc, si vous louez votre appartement et que vous voulez pas faire de trous dans les murs sous peine d'avoir des pénalités financières... Tu prends de la gomme bleue. Tu prends de la gomme bleue, c'est ce que moi, je préfère faire. Mais donc, vous pouvez utiliser à la place de... De la pâte à dents, à la place des punaises. À la place d'acheter des petits pads sticky ou de la gomme bleue. Utilisez une fine couche de pâte à dents. Donc, vous voulez vous assurer que votre pâte à dents n'est pas de produits chimiques blanchissants ou de rafraîchisseurs d'haleine, par exemple, à l'ajout de scope ou peu importe. Donc, ça existe? Ça existe. Ni un ni l'autre. Non, je veux dire de la pâte à dents avec ni un ni l'autre dedans. Ah, ça existe, oui, de la pâte à dents. Donc, normale, la marque la plus basic possible. Donc, vous pouvez faire un petit adhésif léger qui ne va pas laisser de résidus sur vos murs. Et quand vous êtes prêt à enlever les affiches, vous n'avez qu'à retirer ça, laver un petit peu le mur avec un linge humide et ça devrait s'en aller. Le mur n'aura pas de caries. Le mur n'aura pas de caries. Quand vous allez amener votre mur chez le dentiste, ça va être bien content. Je suis quand même curieux. J'aimerais voir ce que ça donne. C'est surprenant, je l'avoue, mais bon, c'est sur une source sûre, comme absolument tout dans cette chronique-là. Voir des ifs, du dentrifice. Ça, c'est un dentifrice pour orifice, je pense. C'est un dentifrice pour orifice. C'est pas dans la chanson dentifrice. Dentifrice, orifice. C'est pas ça. Hein? Ça fait trop de fois que tu dis orifice, je pense, dans l'émission aujourd'hui. J'ai atteint mon quota. Ensuite, la meilleure façon maintenant d'envelopper un sandwich, d'accord, pour ne pas qu'il se fasse écrapou. OK. Donc, votre dîner, évidemment, dans votre sac à lunch. Moi, des fois, je vais mettre mon sac à lunch dans mon sac à dos. Il va se faire écrapoute. Mais non, pas toi. T'as un super de beau plat à sandwich. C'est vrai, t'as raison. J'ai un beau... Ben, ça... Veux-tu la raison pour laquelle j'ai dit ça? Parce que ça fait tellement longtemps que je me suis pas fait de lunch. Depuis que et là c'est un nouveau verbe que j'ai inventé à Noël, que depuis que je célibate. J'ai utilisé ça en famille, le terme célibate. Comme... Ou solo-bat. Solo-bat, oui. Je pensais que t'allais dire, ça fait seulement depuis un mois que j'utilise la première personne du singulier. Avant, c'était tout le temps au pluriel. Le « nous » seulement existait, mais le « je », il n'existait pas. Nous sommes, ouais, non, c'est ça. Maintenant, je suis ma propre personne. Mais bref, depuis que je suis seul dans l'appartement, j'ai pas fait... De, depuis que je suis solo-bat, solo-bâton. depuis que mon gant de catcher se fait aller le... En tout cas, hein? Oui! Depuis que je me touche les balles, comment? Tu t'es pas fait de lunch. Comment? Oui, ça, je me suis pas fait de lunch. Ça a vraiment dégénéré. Depuis que personne te bécote le lunch. Depuis que personne. Whoop balai! Depuis que personne utilise mon pain baguette. Comment? On peut continuer longtemps, hein, sur les analogies. On va arrêter de parler de viande froide. Mon salami. Et, OK. Je me rappelle plus où on était rendu, là. Donc, un sac à lunch, un sandwich qu'on s'est fait le matin même, devient tout dégueulasse dans le sac de plastique. Mais la veille, il est correct? Non plus, en fait. Okay. Donc, c'est un didacticiel, une façon de faire de Food 52. Est-ce qu'on va se rendre jusqu'à la fin de l'article? Qui nous montre comment faire. Tout ce qu'on a besoin, c'est de papier ciré. On pourrait aussi utiliser du papier parchemin, mais c'est un petit peu plus cher, nous dit-on, pour les sandwichs à chaque jour, quand t'as 5 jours semaine de lunch à faire. Donc, une feuille... On doit faire une feuille de papier ciré qui est deux fois plus longue que sa largeur et plus large que votre sandwich. Donc votre sandwich a une certaine largeur, on va plus large que ça, et la longueur va être deux fois plus longue. D'accord? On va plier, on va faire une tente au-dessus du sandwich, et on va ensuite plier le papier encore et encore jusqu'à ce qu'on ait plié le papier ciré sur le dessus du sandwich. Ensuite, on va plier les côtés en forme de flèche, et on va plier ensuite tout ça en dessous du sandwich. Ça ressemble un peu, je trouve, à mon avis, à la technique que les bouchers utilisent pour envelopper la viande froide. C'est vrai. Ça ressemble un peu à ça, je trouve, en tout cas, mais bon. Ma grand-mère achetait de la viande chez son boucher, ça. Épiceries, hein, il y avait déjà de la viande dans les épiceries, mais c'était chez le boucher, hein? Ben oui, mais tu peux l'acheter à l'épicerie aussi, au comptoir. Puis ils vont l'envelopper comme ça, ouais. Mais ça fait quoi de spécial? Ben c'est supposé pas écrapouter ta sandwich, moi je comprends pas pourquoi. De un, Et de deux, c'est vraiment pas écologique. Achetez-vous des places à nouilles. Ah, ça c'est vrai, par exemple, j'avais pas pensé à ça. Ça me rappelle certains de mes amis au secondaire qui arrivaient tout le temps avec leur lunch, la sandwich dans le papier d'aluminium, puis tous les légumes dans le papier d'aluminium. Ah, c'est du gaspillage. Totalement. Donc, tout ça va tenir mieux apparemment. Et mettre un petit peu de ruban collant pour tenir les triangles en dessous. Et vous allez pouvoir mettre votre sandwich dans un sac avec vos légumes et le reste sans que ça se mouille, que ça devienne tout humide. Voilà. Ensuite, tiens, on va parler maintenant de café. De quoi devrait avoir l'air votre café? Dépendant de ce que vous voulez en faire. Donc, qu'il soit extra corsé, moulu finement, extra finement, moyennement, peu importe. Donc, vous avez différents styles de café, de moulitude, de moulaison, de moulation. De café, dépendant de ce que vous voulez faire. Mouture? C'est ce que je voulais dire, donc dépendant... je cherche moi aussi, là. Non, c'est ça, je l'avais pas en tête, mais là, tu l'as trouvé. Donc, c'est un guide photographique pour nous aider à savoir comment le moudre, si on le moue nous-mêmes dans un moulineur à café, un moulinet, c'est comment on appelle ça, là? Un truc à mouliner, là. Un moulin à café. Un moulin à café. Les choses sont tellement simples dans la vie, pourquoi est-ce que je me casse la tête? Donc, le blog I Need Coffee a posté des photos en utilisant une pièce de monnaie comme référence pour que vous puissiez voir vraiment, de façon évidente, la différence entre fin et extra fin. C'est évident, comment on dit. C'est évident, parce qu'on voit vraiment le grain contre la pièce de monnaie, ça reflète parfaitement ça. Donc, on peut utiliser ça comme ligne directrice avec son moulin à café. Donc, allez voir sur assemblagerequis.com, le lien est là. Moi, je trouve que c'est quand même assez évident. Ensuite, alors tiens, ça c'est un truc de génie, Steph. Encore une fois, j'ai l'impression des fois de te plier sur ton territoire, mais tu me diras si c'est le genre de choses que tu aurais aimé comme conseil. C'est de savoir où sont les endroits très chauds et plus froids, ben moins chauds, de ton fourneau en utilisant de la noix de coco en copeaux. Okay? Râpé. Donc, quand tu mets ton four à 350 degrés, tu peux pas vraiment garantir que ton four au complet va être à 350 degrés. Mais même, tu peux pas garantir qu'il y a aucune place dans ton four qui est à 350. Faut souvent les réajuster, soit dit en passant. Parfait. Les réajuster? Comment? On peut faire ça, calibrer un four? Ben, en fait, oui, tu dois calibrer ton four. En fait, l'idéal, c'est de t'acheter un thermomètre, tu le mets dans ton four, okay, et ça va te dire la température réelle. Je pense qu'il faut que tu laisses un certain temps. Et soit, mettons que tu le mets à 350, peut-être qu'il va juste être à 325 ou 375. Donc, après, tu dois réajuster au chacune de tes recettes une fois que tu connais la température réelle de ton four. Ah, que je pensais que tu allais vraiment dire de reprogrammer son four. Non, tu peux pas faire ça. C'est pour ça que quand je me fais une pizza congelée, mettons, puis qu'il demande de la mettre à 350 ou peu importe, 425, puis que ça prend plus ou moins de temps que ce que la boîte te dit, c'est parce que ton four est pas à la bonne température. Faut que tu surveilles ta pizza. Là. Abandonne-la pas. Oui, non, c'est ça. Je suis très, très attaché à ma pizza. Je coupe le cordon ombilical à la fin, qui est un morceau de fromage très, très gluant. Okay. Donc, la seule façon de savoir les endroits chauds et moins chauds de ton four, c'est de te faire une map de fourneau en utilisant un petit peu de noix de coco grillée sur une plaque à biscuits. C'est apparemment parfait. Donc, c'est l'affaire avec les fours, comme tu l'as expliqué, qu'il faut faire attention. Sur The Kitchen, encore une fois, c'est un blog qui suggère d'utiliser de la noix de coco râpée. Vous avez qu'à mettre la noix de coco sur une plaque à biscuits et lancer ça dans le four, comme un frisbee, après qu'il a été préchauffé. Donc, tu préchauffes ton four et ensuite, tu envoies la noix de coco dans le four. Vous allez pouvoir savoir quels endroits sont plus chauds et quels endroits sont moins chauds en regardant la noix de coco grillée. Elle va devenir un petit peu plus brune dans les endroits plus chauds. Il va rester blanche plus longtemps dans les endroits moins chauds. Et en plus, tu vas avoir, après ça, un délicieux dessert de noix de coco grillée au four. Ça a l'air bon. Avoue que tu manges ça comme des galettes de biscuits, là. Je rajoute de la crème glacée. Ouais, puis un petit peu de... Ouais, du crémage. Du crémage. J'imaginerais du crémage avec ma noix de coco. Pour vrai. Ouais, ouais. En tout cas, bref. Méthode que vous pouvez aller retrouver en sinon, article sur... Sinon, tu peux le faire avec des biscuits, mais ça se peut que... T'en ai des brûlés. Parce que moi, j'ai des plaques à biscuits tellement cheap que quand j'ai mis au four, bang, ils sautent parce qu'ils revirent. C'est ça. Fait que je pense que ça ferait juste salir mon four. Mais j'avoue, moi aussi, j'ai ça. Va faire des jets de noix de coco. Ouais. Ouais. Mais ça a le fun, party dans le fourneau. Mais non, je me suis acheté moi aussi une belle petite plaque à Billy Crocker. Puis ça fait ça, moi aussi. C'est normal, ça? Que ça pop. J'avais acheté ça aux Zellers, moi, quand. Aux Zellers! Ouais, vente de fermeture aux Zellers, là, des plaques à biscuits étaient pas chères. Là où la vente de fermeture de Zellers ressemblait vraiment à visiter un Zellers dans les années 90 parce que ça avait pas changé depuis, t'sais. Ouais. C'était vraiment fort. Zellers, là, c'était vintage jusqu'à la fin, t'sais. C'est vrai? Zellers. Ensuite, ça, On dirait que je suis comme surpris par mes propres articles parce que ça fait longtemps que je les ai mis sur mon site puis je les ai pas relus depuis. Mais non, c'est vraiment super intéressant. C'est de mettre une feuille qu'on met dans la sécheuse, une feuille de Bounce par exemple, au fond de sa poubelle pour éliminer les mauvaises odeurs. Ben oui, je fais ça depuis 98. Pour vrai, moi, j'avais jamais entendu parler de ça. T'achètes donc, pas des sacs qui sentent bon, là? Ah! Ça existe, ça? Moi, ben... c'est des sacs Glad avec du parfum. Ouais, parfum. J'en ai déjà reçu à la vente, là. T'en as reçu pour quelle occasion? Dans un bon Noël, ouais. Là. Mais c'est parce qu'il fitait même pas dans ma poubelle. Ah, anyway. Anyway. Donc, la poubelle, la cuisine, qui peut sentir mauvais particulièrement rapidement comparé à d'autres pièces. Mettons qu'on va jeter des déchets culinaires, alimentaires un petit peu plus dans la cuisine. Donc, éventuellement, ça commence à empester avant que tu aies le temps de remplir ta poubelle. Puis là, tu veux pas mettre dans ton sac puis aller le porter au coin du bloc parce que, Colin, il reste de la place dedans. Donc, ça pourrait peut-être aider de mettre une feuille à sécheuse dans votre fond de poubelle. Ensuite... Ça, je suis un petit peu, perplexe devant ça. Steph, il y a une vidéo à la fin, si tu veux la montrer à tous en studio. c'est assez impressionnant. C'est quelqu'un qui fait un étui de iPhone avec un ballon. Okay? Donc, c'est une courte vidéo assez facile. Un ballon, genre? Un ballon de latex, peu importe. Je sais pas en quoi c'est fait, mais ouais, un ballon de plastique. On va essayer de décrire un peu comment il fait ça. Il fait son ballon. Il gonfle. Et pas ensuite, totalement. Pas totalement, un peu mou. Il va appuyer son téléphone contre le ballon et va laisser sortir l'air tranquillement. Et plus l'air va sortir, plus le ballon va se coller au téléphone. Et à la fin, ça donne vraiment un étui, on dirait. Et ça, c'est en temps réel. Je vois pas comment ça peut être fake. D'après moi, c'est vrai. Il faut la bonne grandeur de ballon. Il faut faire la technique correctement. Et le ballon vient, un peu comme un étui de téléphone, revenir sur le devant de l'écran, juste un petit peu pour... Il fait un câlin, un hug de iPhone, de téléphone, excuse-moi. J'allais pas dire iPhone, mais de téléphone cellulaire, intelligent. C'est cool, pareil. Ben, ça donne vraiment le goût d'essayer. À essayer à la maison, ben oui. Le seul problème, c'est que j'ai peur des ballons. Oui, ils ont peur que ça te pète dans la face. Mais pas gonfler, ça me dérange pas. Fait en tant qu'étui, ça me dérange pas. C'est plus le moment de... Tu demanderas à ton chum de te faire ça. Ouais. Ben, ça fait une ballon, là. Pèse mon iPhone, ça ballon, s'il te plaît. Il va se saouler, genre, au party de Noël pour pouvoir dire au policier je peux-tu péter la ballon? Peux-tu me faire un case avec moi avec votre ballon? Évidemment, ça ne protégera pas votre téléphone d'une chute, là. Donc, C'est bon pour le grip. C'est esthétique aussi. Le grip. Là, tu peux prendre, j'imagine, un ballon avec un petit motif ou quoi que ce soit. C'est vrai, tu peux choisir ta couleur. C'est un garçon. Joyeux anniversaire, 50e anniversaire. Ouais. Ouais. Puis peut-être que tu peux te faire un petit chiot aussi, tu sais, comme un clown, pour te faire un chien, puis après ça, de faire ton dessus avec le chien aplati. Hey boy. J'en doute. Bref, comme disait Steph, c'est bon pour le grip ou encore la rhume. Comment couper son gâteau, ses restants de gâteau, en fait, pour que les restants ne s'assèchent pas? Hein? Oh! Parce que là, une fois que vous prenez plusieurs pointes, que vous avez mangé beaucoup de gâteau, que vous voulez les remettre au frigo, ben, Colin, ça pourrait devenir sec un peu avec le temps parce qu'il y a trop de côté exposé. Le truc, c'est de remettre de la crème puis du glaçage. Ah! Oui! C'est ça! Ou c'est de te lever dans la nuit... Et le manger. Ou le recouvrir de pâte à dents. Avec une balloune, je pense. Une balloune. Et si je mange dans la nuit? Donc, c'est facile pour garder votre gâteau bien, bien spongieux ou autre terme comme ça. Selon un mathématicien qui a écrit en 1906 ce conseil-là, apparemment, on le montre dans une vidéo de Alex Bellows sur le site Numberphile. En fait, Numberphile, c'est une série vidéo. Que vous pouvez regarder sur l'article sur assemblagerequis.com, vous aussi. Donc, on va couper à la place de couper en pointe, ce qui va laisser des côtés exposés, à la place, on va couper des morceaux rectangulaires en débutant par le milieu du gâteau. Et on va continuer de pousser les restants du gâteau vers le centre. Ça a l'air un petit peu compliqué. Ben non, wow. Mais c'est parce que là, après ça, les morceaux de gâteau, ils ont pas assez de glaçage dessus. Tu te remontes à la fin avec un morceau plein de glaçage. Ouais. J'avoue, je comprends ton point, Steph. Voilà. Mais on met du saran wrap sur le morceau de gâteau. Oh, moi, j'aime ça parce que j'étais un mangeur de bûches de Noël. Fait que C'est un truc. Fait faut que tu manges dans le milieu puis que tu repousses la bûche à chaque fois. Ben, là, ça fonctionne. C'est très fort. Tu gardes les entomes qu'on appelle, là, les bouts, pour la fin. Oui, exact. Mais si vous avez regardé un petit peu, moi je suis allé dans le milieu de la vidéo, là, ce qu'il fait, c'est qu'il prend des tranches de gâteau dans le milieu. Donc, c'est sûr que t'as moins de glaçage, mais étant donné que les côtés du gâteau, là, essayez de vous visualiser ça à la radio, c'est plus compliqué, là, mais si tu prends une tranche dans le milieu du gâteau qui est en cercle, là, qui est un gâteau en cercle, tu coupes une tranche au milieu, t'as le glaçage du dessus et t'as le glaçage des côtés quand même. C'est quand même pas mal de glaçage, je pense. C'est le même gâteau qui rapetisse. C'est ça. Je pense que t'as la même superficie de glaçage probablement que sur le point. Ben non, ça se peut pas parce que à la fin, t'as un morceau avec plus de glaçage. Donc logiquement, il y avait des morceaux de gâteau qui avaient moins de glaçage. T'as peut-être raison, mais ouais. Tu peux faire ça avec ton fromage aussi. Oui, là. Exactement. Comme dans la pub, là, le petit fromage de chef. Genre, tu peux le refaire à chaque fois. J'ai essayé de faire une imitation. Tu fais confiance. Oui, j'imagine. Mais bon. Donc après ça, tu vas évidemment rapprocher les deux parties du gâteau et puis mettre ça dans ton réfrigérateur. C'est à peu près ce que ça donne. Sinon, pour un fromage, peut-être que tu pourrais mettre des élastiques pour le tenir. On avait déjà dit ça pour les tomates. Je pense aussi que ça gardait. Ou les oignons, je pense. Que ça gardait la fraîcheur. Mais ça, c'est loin dans mes souvenirs. Mais bref, c'est ça. En forme de gâteau, c'est ce que ça donne. Ensuite, le truc, tiens, d'un amateur de pizza. Moi, je suis un blog. Je ne suis pas un blog moi-même, détrompez-vous, mais je le suis sur Internet. C'est Scott's Pizza Tours. C'est un grand fan de pizza de partout dans le monde. Il collectionne les boîtes de pizza. C'est vraiment un bon Jack, ce gars. Bref, lorsque vous amenez votre pizza pour emporter, demandez à ce qu'elle ne soit pas coupée. OK. Et là, j'ai entendu dire récemment qu'il y avait des endroits qui ne coupaient plus certaines pizzas. J'imagine que c'est peut-être pour la même raison, c'est que ça va être plus facile à transporter. Il va y avoir moins de pertes de fromage entre les pointes. Ah! Donc, tu vas pouvoir contrôler le fromage qui va venir avec ta pointe à la place d'être laissé en dessous de ta pizza parce que ça a coulé dans les cracks entre les pointes. Parce que la coupe va être plus fraîche. C'est ça, et en plus, ça garde plus, j'imagine, la chaleur qui va peut-être moins se dissiper que si tu coupes. Donc, truc de pro, ne pas faire couper votre pizza, un peu comme un autre truc de pro, mais ça, je pense que c'est assez évident aussi. C'est, ben, en fait, plus évident, c'est de prendre sa sauce à poutine dans un contenant à part. Pour pouvoir la mettre toi-même sur ta poutine, ça imbibe moins dans les frites. Ouais, mais là, wow, là, ça dépend du goût de la personne. Exactement, mais si toi, t'aimes une frite molle. Moi, j'aime pas les frites molles, j'aime les frites croustillantes. Je parlais pas de toi. C'est ça, parce qu'en plus, c'est que si tu mets pas ta sauce, si tu la prends dans un contenant à part, en passant, il faut savoir que le contenant à part va souvent être chargé à un certain prix, des fois c'est 50, 75 cents dans... Oui! Ben là, commande pas là, c'est une gang de crosseux. Ben ça, c'est connu qu'ils sont crosseurs, on dira même pas leur nom tellement qu'ils sont, mais vous le savez parce qu'ils chargent cher pour leurs produits, hein? J'ai aucune idée de quoi tu parles, pour vrai. Celui qui charge le plus cher, les pizzas à Trois-Rivières, c'est tout le temps le même, mais bon. Bref. Ben je sais que les pizzas, il y a certaines pizzerias à Trois-Rivières, on pense qu'ils ne tranchent pas les pizzas, c'est juste qu'ils sont pas capables de trancher les pizzas. Ils font pas correctement! Tu fais rien, c'est pas tranché, mais oui, le son, faut juste avoir un microscope pour savoir où c'est que sont les gars. Où est la fente, hein? Tout ça, c'est atroce, hein, comme on l'appelle, comme on dit, ouais. J'essaie d'insérer le nom. Ouais, la fin. Qu'est-ce qu'on disait? Oui, de prendre sa sauce pour emporter, faire attention parce que le contenant coûte quelque chose. Et aussi, que ça, c'est pratique parce que vous pouvez remettre peut-être votre poutine dans son contenant d'aluminium, dans le fourneau en quelques petites secondes, quelques petites minutes, pour rendre vos frites encore plus croustillantes et ensuite mettre la sauce. Parce que dans le transport, quand tu prends ta poutine pour emporter, des fois elle va devenir un petit peu froide. Ouais, mais ça c'est normal. Si t'as la commande chez. C'est atroce. Ouais, c'est comment? Ça. Ben, ils sont déjà toutes molles. C'est à peu près peu ça. Peu importe. Ça ressemble à ça. Commande-les chez Fusée. Mais on dira pas leur nom, par exemple. Prends-toi d'un. Commande-les chez. Excuse-moi, Rocket Ship. C'est ça. C'est mais ça. Les frites sont toujours croustillantes. Okay. Puis ça coûte rien avoir la sauce à part. C'est vaisseau lunaire, je pense, faut dire. Puis l'autre, c'est quoi? C'est... Castle of Two? Non, of pas. One? Non, c'est... on l'appelle par son prénom France. Castel. Château. Château d'un. Donc, France d'un. France One. France 1. C'est pas une chaîne de télé, ça, France 1? Du coup, hein? Bon. Comment changer le... Je pense que là, on va finir... Je pense que c'était très bien de finir avec celle-là, par exemple. Je trouvais que c'était une bonne fin. On arrête-tu, là? On arrête. C'est tout pour les instructions d'assemblage. Retrouvez tous les liens sur assemblagerequis.com. Yay! Youpidou! Il nous reste seulement une dernière chronique pour cette émission du jeudi. On finit toujours avec la même chose le jeudi. C'est-à-dire, on finit toujours avec la même chose le jeudi. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que c'est pas vrai. N'importe quoi. J'étais sur l'autopilote, là. D'habitude, on finirait avec le poste d'écoute. On n'a pas de poste d'écoute aujourd'hui. Ah, c'est bizarre. Y'a pas de ça aujourd'hui. C'est vraiment bizarre. Y'a pas de poste d'écoute aujourd'hui. Donc, on finit pas comme on finirait d'habitude. On finit avec une chronique spéciale et particulière aujourd'hui. C'est qu'on va faire une grosse pointe en dresse dans quelques instants. Assemblage Rocky au 89 FM, le temps que je me remette dans l'ordre. Il reste quelques demi-heures, je ne peux pas me tromper de contenu. Trois-Rivières. C'est le 89.1. Écoutez-nous en direct sur le web sur cfou.ca. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. La dernière demi-heure d'Assemblage requis pour cette semaine du 5 janvier 2015. On est aujourd'hui le jeudi 8. C'est ça? Oui. Oui, Stéphanie Paradis. Oui, Mathieu Quoi? Plan. C'est qui, c'est la semaine du 5 janvier. C'est vrai? Ça veut rien dire, ça. Non, je sais, mais quand même. Nous autres, on termine là-dessus. C'est la dernière demi-heure. C'est comme ça, jeudi, c'est le nouveau vendredi, comme on dit. Dans quelques instants, ça va être une grosse pointe à l'adresse où on va goûter à quelque chose avec un nouveau format un petit peu. Là, je disais précédemment dans l'émission qu'on avait changé un peu la façon de procéder, donc on vous explique ça au retour, mais c'est vraiment rien de spécial, donc pas besoin de rester pour ça. Restez pour la chronique en général, t'sais. Parce que sinon, on s'en sacre. Oh, vous allez être déçus. Vraiment. The New Pornographers, voici Dance All Dominique. Ça, c'est fou. C'était Dance Hall, dominé par The New Pornographers à Assemblage requis. Ça nous amène maintenant à une grosse pointe d'aldresse. Une grosse pointe d'aldresse. Une grosse pointe d'aldresse. Une grosse pointe d'aldresse. Une grosse pointe d'aldresse. Une grosse pointe d'aldresse. Une grosse pointe d'aldresse. Une grosse pointe d'aldresse. Une grosse pointe d'aldresse. C'est

à 13h, je crois que c'est encore Créateur de son, mais on est encore sur l'horaire flou de début de session. Allez voir cif.ca et ne vous y fiez pas. Mais c'est un flou artistique. Flou artistique, c'est voulu. Et assemblagerequis.com pour les notes de l'émission, les balado-diffusions. On remercie encore une fois Laurent Constantin. Toujours un plaisir. Content de vous revoir. Content aussi et bonne année. Justine Renaud va être de retour dans peut-être la semaine prochaine, sinon dans deux semaines, c'est pas encore confirmé. Merci à Marie-Laurence aussi. Merci à Marie-Laurence, merci à toi Stéphanie Parent. Merci Mathieu Plante. On se quitte sur une pièce de Kipler qui s'appelle Scaphandre et puis on se retrouve lundi. Oubliez pas les meilleurs moments, vendredi à 7h et samedi à midi. Les meilleurs moments du Disney de con et d'assemblage requis. Bonne fin de semaine, bye.